On va commencer de allonger sur le dos et avec les jambes longues si ça provoque pas les douleurs. Si vous avez, en n'importe quel moment dans une séance Feldenkrais, si vous avez besoin d'adapter parce que c'est pas confortable, que c'est douloureux, vous avez le droit d'adapter, de faire une pause dans une autre position. Et on commence avec un petit moment de juste être reposé au sol et de sentir notre contact avec le sol. Il y a certaines parties de vous qui sont en contact avec le sol et certaines parties qui ne contactent pas complètement le sol, par exemple peut-être derrière les chevilles ou les genoux ou derrière la nuque. De sentir votre contact avec le sol et aussi où il est le plus prononcé, dans le sens qu'est-ce qu'il est les endroits où vous avez plus de poids. Peut-être c'est au niveau du bassin, de la tête. Et si on imagine pour un moment que le sol n'est pas le sol, mais c'était quelqu'un qui te prend dans ses bras. Imaginez comme si tu étais un bébé ou un enfant et en fait le sol était en train de te porter. Et est-ce que ça change en relation avec le sol? Même d'avoir l'idée que le sol conforme à vous. De laisser ça. Et on va poser les bras à peu près au niveau des épaules avec les mains à côté de la tête. C'est un peu dans une position confortable avec les bras à peu près au niveau des épaules, mais les avant-bras orientés vers au-dessus de la tête. Un peu les coudes sont pliés un peu. Ouais. Et les mains posent au sol, ou peut-être ils se suspendent. Mais c'est les bras sont, le haut des bras sont à peu près à 90 degrés. Donc c'est pas les bras tendus au-dessus de la tête, mais plutôt on est un peu comme ça. Ouais. Ouais, un peu plus ou moins. On va voir. Ok. Et on va commencer, en Feldenkrais souvent on travaille avec les petits mouvements. Et on va faire un petit mouvement, après on prend une pause, et après on refait. On va faire pas mal de ça. Et on commence avec un mouvement de la jambe droite, qu'on va juste un petit peu, on va rouler la jambe droite un peu vers l'extérieur comme le petit orteil, on vit aller un peu plus proche du sol. Et après, on revient au neutre. C'est un petit mouvement. Donc, vous commencez en position de neutre. Après, vous roulez la jambe droite un tout petit peu vers l'extérieur, comme le petit orteil en vivre rapproché du sol. Et après, tu reviens vers votre neutre. Okay. Et on revient souvent dans la position neutre avec une petite pause pour qu'on puisse sentir la différence entre qu'est-ce qui passe dans l'action et il est plus clair quand on parle de non-action, ou de inaction, ou de pause. Donc fais une petite pause et juste en faisant ce petit mouvement de rouler les jambes vers l'extérieur, qu'est-ce que tu sens qui passe au niveau de toutes les jambes, le bassin, peut-être même l'autre jambe? Donc on va étaler notre attention et voir les effets de ce petit mouvement plus global. Et est-ce que tu même sentir un petit mouvement de la tête? Peut-être la tête va commencer de rouler un petit peu ou d'être tirée un petit peu. Peut-être la haute jambe fait quelque chose spontanément. L'idée que c'est la jambe gauche pour l'instant, elle reste plutôt tranquille, on n'active pas intentionnellement ces mouvements à partir de la jambe droite. Ok. Et on va commencer de faire, on commence avec ce mouvement, de rouler les jambes légèrement sur l'extérieur, les jambes droites. Et on va commencer de glisser le pied vers notre bassin, on peut dire. Donc il roule vers l'extérieur. Et après, il reste complètement au sol. On commence de plier les jambes. Et ça glisse. Et après, on va re-allonger les jambes. Okay. Et on revient vers neutre. Okay. Et prendre une petite pause. Donc on va refaire ce petit mouvement de rouler les jambes un peu vers l'extérieur. On glisse vers nous. Et on observe surtout qu'est-ce que ça fait dans les autres parties de nous. Peut-être le bassin va basculer un petit peu. Peut-être qu'on sent que le colonne vertébrale il est tiré par ce mouvement. Peut-être qu'il y a un changement de pression au niveau des épaules. Peut-être la tête roule un tout petit peu vers un côté. Okay. Et après, on revient vers la position du départ, le neutre, et on fait une petite pause. Et vraiment, tout le monde fait une pause maintenant, après que tu finis ton prochain mouvement, fais une vraie pause. Si tu as besoin ou envie, tu peux changer de position de bras, si ce n'est pas reposant d'avoir les bras où ils sont. Mais bouger les bras pour être dans une position reposante. Et on va reprendre ce mouvement de rouler les jambes droites un peu vers l'extérieur et de commencer de tirer un peu vers nous. Mais en même temps, on va faire un tout petit mouvement de rouler la tête un tout petit peu vers la droite. Comme c'est les pieds qui commencent le mouvement, mais leur tête reprend un tout petit peu en roulant un tout petit peu vers la droite. Et après, on re-allonge les jambes et la tête revient vers la position neutre. Et une certaine manière qu'on essaie de chercher un mouvement qui a un sens de... C'est comme la tête roule parce qu'on est dans un mouvement global. Et pour l'instant, c'est que les jambes droites. Prendre une petite pause. Et on va continuer de développer ce chemin. On roule les jambes vers la droite, la tête va agir un tout petit peu. On tire les jambes vers nous, le pied vers nous, et glisse. Et le moment qu'on si nous envie continue de avoir les jambes qui viennent vers notre poitrine, ou notre torse, le petit orteil va commencer de, tout le pied va commencer de décaler du sol, comme nous envie venir avec les jambes au-dessous de notre poitrine. Si on imagine qu'on va prendre, qu'on va suspendre les jambes au-dessus de le bassin, au-dessus de notre poitrine, il y a un certain moment que ça décale. Et après, on va reposer les jambes dans le même chemin. Ça veut dire que le genou ouvre vers l'extérieur. On glisse jusqu'à le moment que c'est le pied qui décale parce que le genou continue au-dessus de nous. Et après, pour revenir, on prend le même chemin de ouvre vers l'extérieur. Donc le genou, il allait vers l'extérieur, c'est le pied qui pose, le orteil de bord. Et après, ça glisse vers en bas. Et on revient vers la position neutre. On fait une petite pause. Et là, on commence avec tout le temps avec le mouvement de le genou et le pied. Il roule vers l'extérieur pour commencer. Quand les jambes sont longues, ça commence avec le mouvement de la petite orteil vers le sol. Le talon glisse vers le bassin. Un moment, le genou continue vers la poitrine et ça lève naturellement la jambe. OK. Et juste la prochaine fois que vous faites ça, essayez de détailler les effets sur les colonnes vertébrales, poitrine et tête. Tu vois, okay, c'est un mouvement du jambe, mais qu'est-ce qui passe avec le bassin? Qu'est-ce qui passe avec le colonne vertébrale? Est-ce que ça tire vers le bas? Est-ce que le menton vient plus proche de poitrine ou plus loin à certains moments? Même si c'est subtil, essayez de détailler et de laisser faire partie du mouvement les effets plus globaux. Okay. Et la prochaine fois qu'on arrive au sol, on pose, on fait une pause. Et fais une pause complète. Tu peux poser les bras à côté de vous si vous voulez. Ou sur vous, comme vous voulez, mais une position de repos. Et juste avec votre attention dans le repos, notez le contact avec le côté droit de votre corps au sol. Le sens de contact, le sens de longueur de la jambe droite. Et après, de sentir le côté gauche, la jambe gauche, le côté gauche de vous. Et de noter par rapport avec la droite s'il y a une différence. On repose les bras à côté de la tête, dans une position confortable. C'est un peu dans une position qui les bébés reposent parfois. Avec les gens, les bras un peu à côté de la tête comme ça. Souvent avec les coudes un peu pliés. Et on va commencer avec les jambes gauches. Doucement, on fait juste le début, de juste rouler un tout petit peu le pied gauche vers l'extérieur. petit orteil gauche, il allait plus proche du sol. Déjà, le bassin va reprendre. Après, on lâche, on revient vers le neutre. Et on va développer le mouvement avec la jambe gauche, mais doucement. Le pied roule un peu vers l'extérieur, la tête va reprendre peut-être un tout petit peu. Le bassin. Et d'aller pas jusqu'au bout tout au début, fais des étapes. Donc tu glisses un petit peu le pied vers le bassin et après de réallonger pour clarifier et de simplifier ce chemin. Et je vous laisse développer le mouvement avec l'idée que c'est une, chaque fois qu'on fait une répétition, c'est une opportunité de sentir la globalité du mouvement avec les détails différents. Qu'est-ce qui passe avec les omoplates, par exemple? Est-ce que je fais ça avec une... À quel moment la respiration fait quoi? Que j'expire à un certain moment, inspire à un certain moment. Et le moment quand les jambes sont plutôt suspendues au-dessus de le bassin, au-dessus de le torse, on essaie de lâcher un peu les pieds. Que même si la jambe est suspendue, le pied reste un peu souple. Et prochaine fois que vous avez les jambes longues, prendre une petite pause. Et on va, peut-être vous avez noté la manière que le bassin répond dans ce mouvement. Et on va, après une pause, on va faire les deux jambes au même temps. Ça veut dire que les deux jambes, ils tournent les petits orteils, aller un peu vers l'extérieur. Et on tire les deux talons, plus ou moins, vers le bassin. Et après, les deux jambes, à un moment, les pieds vont décoller du sol pour venir avec les jambes au-dessus du torse. Donc, explore un peu les deux en même temps. Et on glisse. Et ça fait un mouvement assez différent avec le bassin et la colonne vertébrale. Et après, les genoux ouvrent vers l'extérieur pour reposer la partie extérieure des pieds au sol. Et ça glisse vers le bas. Et de noter en particulier dans ce mouvement qui amène le bassin dans une bascule, de manière que ça amène la colonne vertébrale et finalement même la tête dans une sorte de bascule. Et après, C'est un mouvement dans les colonnes vertébrales qui est assez grande, en fait, juste de bouger les jambes. Et après, la prochaine fois, on prend une pause avec les jambes longues. Peut-être une note dans ce mouvement qui est les consignes est un peu symétrique. On n'est pas symétrique. Souvent, il y a une jambe qui va aller un peu debout après l'autre. Ça, c'est OK. On accepte ça. Même dans la méthode, on fait beaucoup de propositions de mouvement qui va éveiller notre conscience de différence dans notre manière de bouger. Ça va éveiller notre conscience de asymétrie et symétrie. Et ça, c'est normal. On fait ça intentionnellement dans la méthode. Et le but, c'est pas d'être symétrique, pas du tout. C'est pas d'entraîner d'être symétrique, c'est plutôt d'entraîner d'être confortable. Et d'accepter notre vraie sensation. Et on va explorer une autre manière d'amener les jambes au-dessus de la poitrine, un après l'autre. Donc d'abord, on va rouler le pied droit vers l'extérieur. On glisse le pied au sol vers le bassin. Ça se lève, ça se suspend au-dessus de la poitrine. Et après, on roule la jambe gauche un peu vers l'extérieur. On reste avec la jambe droite au-dessus de la poitrine. Et on amène la deuxième jambe au-dessus de nous. Et aussi, quand on repose, on fait un pied de bord, une jambe commencer de s'allonger et après l'autre. Donc, d'explorer cette option de faire un après l'autre. Et on peut noter qu'il y a une manière de rouler qui est dedans. On roule un peu sur un côté, on roule un petit peu sur l'autre côté. La tête va peut-être même regarder sur un côté après l'autre. Souvent, la tête va tourner sur le côté de la jambe qui se lève. Et même quand on a les genoux, un genou suspendu au-dessus de la poitrine, peut-être il va basculer sur un côté pour aider le chemin de l'autre. Ça veut dire que le genou droit va aller un peu vers la gauche pour poser le pied gauche au sol. Le bassin a le droit de bouger, de rouler sur un côté et l'autre. Pour faciliter le mouvement. Ok, de prendre une petite pause. Et les pauses, c'est aussi un moment pour nous de laisser les muscles et notre système nerveux, en fait, aussi, de désengager les activités qu'on avait engagées pendant le mouvement. Et parfois, ça prend un petit moment. Et peut-être, parfois, on ne rend pas compte qu'on avait peut-être arrêté de respirer. Ou peut-être on avait commencé à engager beaucoup les muscles de poitrine et petit à petit, les épaules déposent. Donc les repos, ça a permis ça aussi, ce moment de désengager et de prendre conscience de les choses qu'on avait peut-être engagées qui maintenant dans une position allongée ne sont pas nécessaires d'être engagées. Et dans la manière que tu en vis, d'amène dans un des chemins qu'on a exploré, les deux jambes au-dessus de la poitrine. Et de rester là pour un moment, pour le départ de la même prochaine partie. Peut-être c'est les deux en même temps, peut-être c'est un après les autres, c'est comme vous voulez. Mais après, quand vous avez les jambes au-dessus de la poitrine, et d'avoir les bras à côté de la tête, plus ou moins, dans cette position plus de bébé qui repose sur le dos avec les coudes pliés. Plutôt avec les coudes un peu pliés. Et à partir de cette position avec les jambes suspendues au-dessus du bassin, on va commencer de basculer les jambes et le bassin et nous vers la droite, comme nous en vit allongés sur le côté droit. Et d'abord, c'est les jambes droites qui allaient et après les jambes gauches. Donc au début, on peut dire les jambes vont séparer un petit peu. Ouais, les jambes droites, les genoux droits, ils descendent vers le sol. Et on roule la tête, on peut rouler le reste du corps et on revient de nouveau sur le dos. Et les bras pour rejoindre le mouvement. Le bras gauche pour décoller du sol et nous accompagner d'une position sur la droite, allongé sur la droite. Et après, on va rerouler sur le dos. Et pour rerouler sur le dos, on va d'abord la jambe gauche va un peu aller vers nous, vers la poitrine un peu. Et après, ça ouvre vers le ciel. Et c'est la jambe droite qui le suivent. Jusqu'à qu'on revienne sur le dos avec les bras à côté de tête, avec les bras un peu pliés. Et je recommande fortement que si vous pouvez plier les coudes et avoir les bras un peu, les mains suspendues même à côté de la tête. C'est un peu de... Donc les coudes sont pliés, oui. Même si c'est vraiment pas confortable, vous pouvez adapter. Mais l'idée que c'est les bras, c'est un peu comme ça. Et on refait ce chemin de rouler vers la droite, les jambes droites qui arrivent d'abord vers la droite. La tête, la poitrine, le bras gauche suivent, le bras gauche pour passer au-dessous de la poitrine de tout de suite, jusqu'à qu'on arrive sur le côté et on prend ça comme un petit moment de repos sur le côté. Et après, on roule sur le... On revient vers le dos. Et... On va revenir sur le dos. Et la prochaine fois, on va rouler sur la droite, mais on va ajouter une manière que le bras gauche participe de le départ. Donc, dans la manière, la jambe droite va ouvrir vers le côté et déjà, le bras gauche va commencer d'aller vers la droite, de passer au-dessus de la poitrine, devant le visage. Mais le bras gauche va accompagner déjà. Après, quand tu es sur le côté, pour l'instant, les bras peuvent être devant toi. Et là, sur le dos, sur le dos, quand on arrive sur la position sur le dos, les bras sont posés au sol. Peut-être, ça dépend de comment les épaules sont organisées, peut-être les mains sont un peu comme ça. Ou... Ouais. Un peu comme un bébé. Les images de bébé m'aident pas mal. C'est vraiment une position de repos de bébé souvent. Et le même pour le retour sur le dos, vous pouvez explorer la coordination entre le bras gauche et la jambe gauche. C'est quel qui commence le rouler. Est-ce que c'est plutôt la jambe? Et de trouver une manière que c'est rond et confortable. OK. Et de faire une vraie pause, soit sur le côté, soit sur le dos, la prochaine fois que tu en vis. Et une pause, avec les jambes au sol. Juste laisse le sol te porte. Tu peux même imaginer que si le sol était une grande main, il était en train de sentir ton respiration même. Quelqu'un qui te porte avec même une sensibilité à ton respiration. Reprendre la position du départ avec les bras à côté de la tête, les jambes au-dessus de la poitrine. Donc, d'arriver là en continuité avec le chemin de leçon. Et on va commencer de rouler vers la droite. Vers la droite, donc on ouvre les jambes droites vers le sol, comme on vient de faire. Le bras gauche va passer au-dessus de nous. Et quand on commence d'arriver sur le côté, on va commencer d'allonger, glisser le bras gauche qui est plus proche du sol, dans la direction au-dessus de la tête, comme la main gauche qui est au sol, le bras gauche. Ah, pardon, c'est le bras droit qui est au sol, pardon. C'est le bras droit qui est au sol. Commencez de glisser vers au-dessus de la tête un petit peu, dans cette direction. Et après, ils reviennent vers nous et on roule sur le dos. On va commencer d'explorer une manière de rouler plutôt, juste pour avoir cette idée. Donc, quand on est sur le dos, c'est les jambes suspendues au-dessus de la poitrine, au-dessus du bassin. Et de nouveau, on va rouler un petit peu, on va rouler sur la droite. Et un moment, on va commencer d'allonger le bras droit au-dessus de la tête et la jambe gauche va commencer d'allonger aussi. La jambe gauche va allonger un peu aussi. Et après, on replie les deux en même temps et on roule sur le dos. Ils reviennent vers le nombril, on revient vers le centre et on roule sur le dos. On va continuer d'explorer ce chemin et on va ajouter un peu les éléments qui vont continuer d'aller un peu plus loin. Donc on roule vers la droite. Le bras droit commence à allonger en même temps que la jambe gauche et la main gauche va placer devant la poitrine. La paume de main gauche va commencer à placé au sol devant la poitrine et après on reroule sur le dos. On continue, on va explorer le chemin et cette fois-ci on va rouler sur la droite. Et une manière que le bras droit commencer à allonger. Et aussi, le visage, la tête va passer devant le bras droit. On va rouler la tête, on va lever la tête comme nous envie regarder le sol. Et après, on re-roule sur le côté, ou sur le dos. Pardon, on re-roule sur le dos. Et on plie les jambes pour on retrace le même chemin. Et on revient. Et la prochaine fois que vous êtes, vous roulez sur le côté, et au moment que vous allez allonger les jambes qui sont en haut, les jambes gauches, mais après, il va un peu replier, commencer de passer derrière et tu commences de glisser la tête un peu au vers devant toi. Tu vois que de commencer de activer et les bras droits va un peu revenir un peu vers toi, un peu revenir vers le nombril. On roule, ouais, on va rouler sur la droite. Qu'on vient de faire, on est en train de rouler sur le côté droit, on va allonger le bras droit et la jambe gauche, et après ça a commencé de revenir vers nous et on glisse la tête devant nous au sol, comme nous avons envie de commencer de s'asseoir. Voilà, de se lever la tête après, on va, ouais. Et on repose. On va détailler, non, n'inquiète pas. Donc on va rouler sur le côté droit. Et après, on commence de continuer avec la tête devant nous. La jambe gauche va aller un peu vers derrière. Et c'est comme nous avons envie de s'asseoir. Comment on va s'asseoir à partir de ça? Et on va venir dans une position, oui, un peu avec la jambe gauche pliée derrière, la jambe droite pliée devant. Comme nous avons envie de sortir du sol. Et d'explorer ça un peu comme chemin de se mettre assise. Et je vais vous laisser un moment de faire du recherche sur ça. Comment on peut arriver assise. Je ne me souviens pas le nom de cette position assise en français. Peut-être c'est à cheval. Je ne me souviens pas. Il y a une jambe derrière et une jambe devant. Donc ça allait vers une position d'assise comme ça. Je ne me souviens pas si c'est à cheval ou je ne me souviens pas. Comme ça, cette position d'assise. Ça allait vers ça. C'est pour voir cette idée. Oui, donc, continue votre recherche, c'est très bien, vous êtes vraiment dans le truc, et de redescendre dans le même chemin. Il y a une sorte de réversibilité dans la recherche que vous et le prochaine fois que vous faites ça, d'essayer d'amener la tête devant toi et de lever la tête en dernière. Ça veut dire que la tête va continuer une sorte d'arc devant le bas de jambe droite, vers le genou droit, devant le genou droit, avant de se lever. Donc on cherche un chemin de se lever la tête, après que le torse est plutôt orienté vers le bas de jambe droite. Ce n'est pas forcément sur le côté, c'est une manière de... Et quand vous plongez de la position assise, vous plongez la tête de bord, les mains pour glisser au sol, de positionner bien. Et une manière que tu arrives sur le côté et après tu allonges sur le dos. Et il y a une contrebalance entre les jambes et les bras. Et pour la redescente au sol, c'est par le même chemin. Okay. Et de prendre une pause sur le dos. Une pause sur le dos. Tu peux allonger les jambes. Et en utilisant ce chemin, on va rouler sur le côté droit et venir assise. Et on fait une petite pause assise. On a le même chemin, mais quand on arrive assise, on va commencer assise et on va faire quelques petits mouvements à partir de la position assise. Donc on roule sur la droite. Et quand vous arrivez assise, juste reste là assise avec les jambes gauche derrière, les jambes droite devant. Et on va explorer les chemins de descente un petit peu plus et pour mieux clarifier aussi le montée et les directions des orientations. Et avoir les mains qui sont posées, les deux mains, la main gauche devant toi au sol et la main droite au sol aussi. Donc, ils sont prêts à être engagés, ils sont prêts pour le mouvement. Et de commencer une fois de descendre la tête de bord dans la direction du genou droit et laisse les bras adaptés. Donc, tu descends jusqu'à quand tu as envie d'aller au sol, tu commences d'aller jusqu'à la position que tu es un peu sur le côté et après tu remontes assise. Et de noter particulièrement la relation avec la trajectoire de la... Est-ce que la tête est devant le genou? Est-ce qu'il est au droit du genou? Est-ce qu'il est devant le les chevilles. Donc, d'explorer un petit peu cette idée de la direction de le pliage. Et après, comment les bras adaptent pour te permettre de commencer de rouler sur le côté. Et le varier fait quelquefois que tu allais un peu plus directement vers la droite. Ça veut dire que une manière, c'est de pencher la tête un peu vers l'avant, vers le genou et le bas de jambe. L'autre, c'est de commencer de glisser et d'aller directement vers la droite, qui c'est une autre option. De sentir un peu cette possibilité. Et dans cette leçon, on a une orientation plutôt vers au moins d'avoir disponible le chemin que la tête descend plutôt vers le genou et l'avant-jambe, avant de rouler sur le côté. Juste explorer ça, qu'il y a une sorte de rondeur. Donc, d'abord, on descend la tête un peu devant le bas de jambe et après on roule sur le côté. Ok. Et la prochaine fois que tu descends, de prendre le chemin jusqu'au être allongé sur le dos. De rouler sur le dos, et il y a une manière qu'il y a un moment que on accumule vers le nombril. Ok. Et avec cette idée qu'on essaie de trouver cette rondeur où la tête va passer un peu devant les jambes avant de se mettre assise, re-explore le chemin avec cette conscience, ou cette possibilité. Donc les jambes descendent, d'abord les jambes droites, après les jambes gauches vers la droite. On commence de rouler, le bras droit va s'allonger et on continue de rouler la tête devant les jambes avant de se lever. Et les bras adaptent. Ouais, ça fait un grand arc avec la tête vers le sol. Donc avant de se lever, on roule devant. Ça fait une grande rondeur. Et après, on redescend par le même chemin. Donc, la tête vient plus, oui, ouais, avant de redresser. C'est un chemin qui vient des mouvements développementaux des bébés aussi. C'est un chemin très rond. Et les autres éléments qu'on explore dans ça, je vais vous laisser encore quelques minutes d'explorer, c'est aussi une relation entre les contralatéralités de le bras droit et la jambe gauche. Une contrebalance qui est présente dans ce mouvement, de l'extension de les deux et le repliage de les deux. Et la prochaine fois que vous arrivez sur le dos, de prendre une pause sur le dos. Et je vais vous laisser quelques minutes pour construire le chemin sur le côté gauche, d'explorer l'autre côté. Donc, je ne vais pas trop guider les étapes. Je vais vous laisser explorer en vous-même. Mais je recommande de ne pas faire tout à la fin de le départ, de faire des étapes. Faire quelques étapes pour arriver. Mais je vous laisse prendre votre pause quand vous voulez. Si vous avez besoin de réaller vers l'autre côté pour clarifier quelque chose. Dès le départ, tout le corps est impliqué. Il y a des mondes de rondeur dans ce mouvement qui fait partie du mouvement, qu'on roule au-dessus de l'épaule, les mains qui roulent au sol. Il y a des arcs, c'est beaucoup de rondeur. Et aussi dans la contralatéralité du corps, les bras, connexion diagonale entre les bras et les jambes. Même si c'est une diagonale, il y a une sorte de rondeur. C'est une diagonale qui a les arcs, qui a les rotations. Dans l'épaule gauche, dans la main gauche qui tourne vers le sol, qui glisse, la main droite qui arrive au sol pour nous soutenir, pour repousser, pour redresser. Et les mains, parfois les mains glissent, parfois les mains sont là pour te soutenir, pour appuyer. Il y a des moments d'extension et après de ressemblage autour du nombril. Et d'alterner entre les deux côtés, fait un fois gauche, un fois droite, et dans votre propre manière, de commencer à l'accélérer parfois. Chacun son manière d'explorer ça. Ça peut être une micro-accélération, mais l'idée est un peu comme on joue, quoi. On roule sur le dos, on roule sur le côté, on se met assise, on re... C'est pas nécessaire l'accélération. Et c'est peut-être plus vite sans être pressé, quoi. Et même s'il y a des mouvements de relaxation, il y a aussi des moments plutôt toniques. Et il y a une sorte de flexion parfois avec une tonique et pour le redresser. C'est pas une question de... On va utiliser un certain effort, mais c'est de bien utiliser l'effort pour toi. Et de finir dans une position allongée sur le dos. et juste de reposer sur le dos. Peut-être de poser les bras à côté de vous, juste plutôt plus bas. Changer la relation. Et de revenir vers l'image de le sol qui te porte. Et aussi de ressentir de nouveau, de sentir le contact avec le sol. Dans votre propre manière, mais on a des options, mais ce n'est pas la seule manière, ce n'est pas forcément la meilleure manière non plus, de rouler sur un côté et de se mettre assise et après debout. Et quand tu arrives debout, de mettre les pieds sur le plancher, juste pour sentir ton position debout sur le plancher. On prend du temps d'arriver là. Et quand tu arrives debout, de juste prendre un moment debout simple. On a passé beaucoup de temps dans les expressions au sol, allongées, et maintenant c'est une chance d'expérience juste d'être debout. Si ça change ton relation avec gravité, la manière que tu es sur tes pieds. Et à partir de ça, d'ouvrir les yeux et de commencer de bouger ou marcher quand vous voulez. C'est une chance un peu de tester ça en mouvement.